secret connex. Radmo, Dino, 75018 Beat Street, Beat Street, Beat Street. Ouais. Y'a plus de consensus. Avec ce que je fume, j'éviterai pas l'infarctus. Les dettes, les factures, l'état nous fracture. Le rap il s'achète. Les années de crise nous collent au basket. J'fais plus la fête. Et la résine me monte à la tête. C'est le chaos dans mon esprit. Le cœur en sursis, au bord de l'inertie. Mon vague à l'âme n'est plus une surprise. La rue est triste et rancunière. On envie ceux qui s'en évadent. En attendant d'entrevoir la lumière. Ça fait 15 ans que j'fais le même rêve. Sillonner toutes les routes du monde. Semer mon blast puisque la vie est brève. Capter ma musique sur les ondes, forger mon talent comme un glaive et écarter des tourments qui m'encombrent. Y'a du poison sur toutes les langues. Ils disent que mon rap est trop simple. J'ai jamais voulu faire partie de leur gang. Deux ou trois man qui se prennent pour des gourous, des donneurs d'avis, des rabatteurs de conscience qui se lâchent messie. Les démagos ça me rend agressif, leur sourire nocif. Quand je nous vois dans le regard des gens, je deviens subversif. Sale, parce que mon discours se veut politique. Morad, Dino, on vient faire court, on vient casser des frites. On vient du 75018, on fait tout doucement. Scred en évitant d'éveiller sur nous les soupçons. Peu de fantaisie dans nos vies et dans nos têtes. En marchant scred, t'évites de passer pour un trouble fait. On vient du 75018, on fait tout doucement. Scred en évitant d'éveiller sur nous les soupçons. Peu de fantaisie dans nos vies et dans nos têtes. En marchant scred, t'évites de passer pour un trouble fait. J'ai pas le temps, charbonne, dur. Pas vraiment le choix, ici c'est nos futurs, je te jure. Pourtant j'assure mes arrières, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai pas de limite, pas de frontières, pas de barrière. Y'a 32 piges, j'ai vu le jour à BEZ, BAR. J'suis peut-être resté scotché, y'a tant de choses à faire. L'impression d'étouffer, tant on a du mal à se confier. Dino, j'ai du mal à parler, tant les gens sont durs à cerner. Quand j'exprime mon mal de vivre, tout le monde se sent concerné. On me sollicite, ça m'excite, après j'peux plus m'arrêter. La vie est cruelle comme une niche donneuse de galpie. Elle s'arrête pas à ton larfeuille, mec. Elle continue jusqu'à ce qu'elle jouisse. On vient du 75018. Notre oseille, on va le faire. Avec le cœur, éviter les bad trips. J'veux voir ma boule dans le clip. Les plans qui ramènent au carp là. Garde la chep et je ne suis plus genre de type. M-O-R-A-D. Plus imposant qu'un gars calibré. Ouais. On vient du 75018, on fait tout doucement en scred, en évitant d'éveiller sur nous les soupçons. Peu de fantaisie dans nos vies et dans nos têtes, en marchant scred, t'évites de passer pour un trouble fait. On vient du 75018, on fait tout doucement en scred, en évitant d'éveiller sur nous les soupçons. Peu de fantaisie dans nos vies et dans nos têtes, en marchant scred, t'évites de passer pour un trouble fait. On donne sa vie, ça, en studio écrit sur le tas. Moradino remet ça, c'est pour nos rues, nos ruelles sales. On rappe en évitant les coups de sable. Malgré les coups durs, on fera notre chemin sans se faire pour rien. Des tracas, des tracas, des tracas.